Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop. Aujourd'hui, un bon film policier. Jusque-là, Terry s'était toujours contenté de vols de voitures et de petites magouilles, mais lorsque Martin lui propose de participer au braquage infaillible d'une prestigieuse banque londonienne, il voit la chance de sa vie. L'enjeu est une salle des coffres remplie de millions en liquide et en bijoux extraordinaires, mais Terry et son équipe ignorent que l'endroit renferme aussi quelques secrets que les plus puissants dignitaires du royaume ne veulent à aucun prix voir sortir. C'est la chance de notre vie, Terry. On ne peut pas la laisser passer. On n'est pas des braqueurs de banque. C'est bien pour ça qu'on devrait peut-être y arriver. On met ce qu'on peut dans les sacs et on se tire. Hier soir, la police a essayé de localiser un braquage de banque de 300 000 livres. 300 000 livres? Il y a plus de 3 millions. Nom de Dieu. Tu sais qui c'est? On est dans la merde, Jerry. C'était dans mon coffre à la banque. Les photos d'une certaine princesse royale. Tu as déclenché ce désastre en mettant ces photos compromettantes dans cette banque. Si nous ne réglons pas cette affaire rapidement, Dieu seul sait ce que vont devenir ces photos. Vous voulez que je trouve un moyen qui évitera à tout le monde d'être mêlé à cette histoire? Nous attendons vos suggestions. J'ai déjà vu ce mec à la télé. C'est un député. Oh, le vieux pervers. Braquage à l'anglaise. D'après des faits réels, un film de Roger Donaldson avec Jason Statham, un DVD métropolitain.